rien. Il était une fois, au pays d'ici de là, au temps lointain déjà, ou demain, qui sait, qui vivra verra et en vain saura. Bref, il était une fois, deux fois, peut-être trois fois. Oh là là là, que dis-je là ? S'exclame celui qui a l'art des contes, s'adonne, et que l'on nomme Cyprien. Cyprien le lutin ? Non, Cyprien le petit train. Un fameux et bien étrange petit train, un train fantôme, tout de bois, de cuir, d'airain et de cretonne, tricolore, noir, rouge et or. Un bel engin, en somme, ce train fantôme. Star d'une fête foraine à la fois désuète et contemporaine, traditionnelle et rebelle. Fête éternelle où, masquée, se presse faux roi et folle reine, mais surtout une ribambelle d'enfants, petits et grands. Un petit train très malin, de bien de sagesse, secret et chagrin à le gardien, mais dont la mémoire de trous parsemés comme une passoire, peu à peu s'efface avec le temps qui passe. Sa raison aussi parfois chancelle. La vie peut être belle, mais trop souvent, qu'elle est cruelle. Pointe encore la démence annoncée par avance, mais à l'évidence commence le déclin. Certain, bien mesquin, et pour lui Cyprien n'a nul égard ou tolérance. Il en perd toute assurance et vaillance, et, autrefois si serein, se noie dans un immense chagrin, un sombre cafard. Souvent, en pétard, dans le brouillard, il désespère et de colère vitupère. Il le déplore et en vain, la grâce, il implore. Les souvenirs, quelle galère, dans la campagne, déjà ils errent, s'écrie-t-il après un long soupir. Pourtant, en ce beau matin, Cyprien décide de faire un pied de nez à la fatalité, au destin, ce vaurien de gredin, en évoquant une fois encore les souvenirs de sa grande passion. Les enfants, de toutes les régions et nations venant le voir, lui, tout spécialement bien évidemment. En conteur du bonheur, du fond de son cœur, des voix enfantines s'échappent en chœur formant comptines. Dans sa pauvre cervelle, les souvenirs en vision affluent pêle-mêle avec un brouhaha de blabla, viva de rire en éclats. Un vrai fracas. Sans souci ni tracas, tout son petit monde, Cyprien, ainsi revoit. Il était une fois Robin, le galopin rouquin qui adore les contes, les gnomes vilains, les magiciens et n'a peur de rien. Alban, le chenapan, un garnement pas vraiment méchant, parfois même charmant, bon vivant, très gourmand, auquel le sucre fait mal aux dents, toujours le nez au vent, dansant, chantant, blaguant, riant, mais de toute cette énergie pour les autres vraiment fatigant. Bertille et Pétronille, deux jolies petites filles, seraient toujours en goguette, voyageant avec leurs parents de Manille aux Antilles. Détestant les guenilles, un rien les habille. D'ailleurs, elles ne quittent plus leur mantille et espadrille depuis leur séjour en Castille. Elles adorent tout ce qui brille et scintille, pacotille, bille ou pampille. Très gentilles, toujours elles babillent sans chercher de bisbille, même à leur cousin Camille, qui souvent les horripile avec son étrange passion des anguilles et chenilles. Patiente, jamais elle ne le houspille ou ne l'étrille. Pour des vêtis, des pécadilles, ou quand leur dégoût trop il titille. Pour se faire pardonner, il les invite sous la charmille de la maison de famille à se régaler d'un festin de rousquilles et de tarte aux myrtilles, avec une infusion de camomille ou un bon thé à la vanille. Une fête pour leurs jeunes papilles. Clarence et Laurence, ayant tendance à l'arrogance et la jactance, ont une passion pour la danse qu'ils pratiquent jusqu'à la transe. Venant d'Albion, ils profitent de leurs vacances en France pour faire bonbon en goûtant, non à une maigre pitance, mais à de fins mets dont ils emplissent leurs panses en abondance. Gaspard de Montbéliard, invétéré et doux bavard mais non braillard, pense, réfléchit, ne laisse rien au hasard. Déteste le bazar et se rêve en chevalier bayard ou en Saint-Cyrien, coiffé du casoir. Mais plus que tout, craint les orages et les pétards. Ses copains, véritables malabar, se moquent et lui tentent souvent d'être un connard, dont il se sort toujours avec grand art. Ni tête de lard ni revanchard, Il ne se cache pas dans les placards, jamais ne rue dans les brancards. Et en guise de paix, boit, avec ses futurs piliers de bar, des fruits le doux nectar ou le thé d'un samovar. Igor et Victor, tous deux du Périgord, sont de véritables butors, un peu retors, jouant toujours les cadors. L'un étant « Monsieur, je suis le plus fort », l'autre « Monsieur, je n'ai jamais tort ». De vrais petits trésors. Mais au fond, bien cachés, un cœur en or, comme le prouvait leur périlleux sauvetage de toute une famille de castors. Léo et Matteo, deux frérots de Porto, un peu sots, un peu nigauds, mais si beaux. Toujours un sac au dos plein de gâteaux et petits cadeaux pour Bruno, leur cousin de Bordeaux, un peu lourdeau qui adore les pruneaux et les chamallows. Colline et Nicolas, toujours en grand débat pour choisir. Chocolatine ou pain au chocolat? Léon et Manelon, si friands de calisson et miasson, ne se parlent qu'en chanson, aux grandes dames de leur petit frère Simon. Un polisson un peu grognon, mais si mignon que toujours après ses ramdames, il obtient le pardon, et même des bonbons. Lise qui, quoi qu'on en dise, des mignardises, friandises, tartes et confitures de cerises, sans surprise et follement éprise. Béatrice de Suisse, qui à la vue d'un ruban de réglisse, d'envie est au supplice. Et encore, Lucille et Sibylle de Trouville, Hector du Vercors, Clos d'Écosse, Ninon d'Avignon, Gabin de Saint-Firmin. 1000 enfants venus de tous les coins, parfois de très loin. 1000 visages, 1000 histoires, dont Cyprien par bribes se souvient et garde le souvenir avec soin. Tant qu'il le peut, car l'on ne fait pas toujours ce que l'on veut. On peut juste formuler des vœux et faire de son mieux. Malgré sa peur des lendemains, Cyprien, en son royaume souverain, reçoit toujours les enfants qui, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, quoi qu'il advienne, de la fête foraine, sont à jamais les rois et les reines. Clarissandre.